Les entrepreneuses engagées avec France Active Lorraine. Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Fadjet la radio. Et on est ensemble pour une nouvelle émission des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Aujourd'hui, on va parler d'un terme un peu barbare, le crowdfunding. Ou en français, le financement participatif, qui est apparu depuis plusieurs années maintenant grâce au développement du web. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Mehdi Davouz, président de l'association des coursiers nancéens. Bonjour Mehdi. Bonjour. Vous allez lancer votre campagne de financement participatif la semaine prochaine et on va y revenir. Mais avant ça, j'accueille mon collègue de France Active Lorraine. Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu es le chef de projet de la plateforme de financement participatif de France Active Lorraine aux côtés. Alors Nicolas, on entend beaucoup parler de campagne de crowdfunding, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tu peux nous expliquer en quoi cela consiste ? Le crowdfunding ou financement participatif, c'est une campagne de dons auprès des citoyens. Alors ça n'a rien à voir avec des personnes qui vont vous accoster dans la rue. C'est une campagne de dons qui se fait uniquement sur Internet et qui prend une forme très codifiée et très réglementée aujourd'hui. Donc vous allez être sur des pages web ou des sites web qui sont totalement dédiés à l'organisation et à l'animation de campagnes de dons. Et globalement, une campagne de dons, ça prend la forme d'une page web où vous allez avoir un très haut niveau d'information. Vous allez avoir un très haut niveau d'information sur à la fois le projet, mais aussi l'équipe porteuse de projet et l'utilisation des fonds qui sont récoltés et demandés via la campagne de dons citoyens. Pour bien comprendre ce que c'est qu'une campagne de financement participatif, il faut bien comprendre les règles du jeu. Les règles du jeu, elles se définissent assez simplement. Pour faire simple, dans un temps limité, vous devez impérativement atteindre votre objectif de don. Autrement, l'ensemble des dons est perdu. Donc par exemple, si vous êtes une association et que vous cherchez à récolter 4000 euros en 30 jours, mais qu'à la fin des 30 jours, vous n'avez récolté que 2000 euros, eh bien ces 2000 euros sont redonnés aux donateurs, ils sont redistribués et vous ne récoltez aucun financement. Donc quand vous êtes un porteur de projet et que vous avez l'ambition de lancer une campagne de financement participatif auprès des citoyens, vous devez vraiment réfléchir à combien de temps vous vous laissez pour atteindre quel objectif de don. Il faut savoir que ce type de financement est de plus en plus populaire et que de plus en plus de projets y ont recours. Merci Nicolas de nous avoir éclairé sur ce qu'est le crowdfunding. C'est plus clair pour moi en tout cas. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de la nouvelle plateforme de financement participatif de France Active Lorraine qui s'appelle Aucoté ? Donc Aucoté.fr, c'est un site web qui est dédié à l'organisation et à l'animation de campagnes de dons citoyens. C'est une plateforme qui est unique en France grâce à son principe de triple abondement. Pour faire simple, quand un citoyen va donner 10 euros à une association qui fait sa campagne sur Aucoté.fr, eh bien l'association va recevoir 30 euros. Donc l'impact financier d'un don est multiplié par 3. Pour un particulier, si vous mettez à sa place, l'idée c'est vraiment de se rendre compte que son don est extrêmement utile pour l'association, puisqu'il va seulement donner 10 euros, mais l'association va en recevoir 30. Donc c'est un argument qui est très fort pour lui. Et derrière ce triple abondement, nous allons avoir un grand travail qui sera effectué par le porteur de projet, par France Active Lorraine, puisque lorsqu'un porteur de projet va toquer à la porte de France Active Lorraine en disant « Bonjour, je souhaiterais lancer une campagne de dons, je souhaiterais récolter entre 4000 ou 5000 euros auprès des citoyens », eh bien, avec France Active Lorraine, nous allons aller à la rencontre d'une collectivité publique, présenter le projet de l'asso et demander un soutien financier. Donc le soutien financier, il aura une forme particulière. Nous allons demander à la collectivité de doubler la mise sur la campagne de financement participatif, si et seulement si celle-ci est une réussite. Ensuite, nous allons voir une entreprise privée et nous allons lui demander de soutenir l'association de la même manière. Nous allons lui demander de doubler la mise dans le cas où la campagne de financement auprès des citoyens serait un succès. Ce qui veut dire qu'à la fin, un don venu d'un citoyen va déclencher un financement venu d'une collectivité publique et un autre financement venu d'une entreprise privée. Et c'est de cette manière-là que nous allons obtenir notre triple abondement. Il faut bien comprendre que derrière, on donne vraiment du sens au don citoyen puisque c'est le don citoyen qui va déclencher tous les autres. Tous les financements sont conditionnés à la réussite de la campagne auprès des particuliers. Et c'est vraiment le sens du dispositif Aucoté. D'accord, donc si j'ai bien compris, c'est une plateforme unique en France et elle bouscule un peu les codes du financement participatif en multipliant par 3 chaque euro collecté. Alors, il est vrai que le soutien du département de Meurthe-et-Moselle a permis de financer ces projets, mais concrètement, à qui s'adressent ces campagnes? Quels sont les critères pour pouvoir en bénéficier? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, Ocoté.fr fonctionne en Alsace et en Lorraine. À l'origine, ce projet a été lancé en 2020 par France Active Alsace comme expérimentation. Et au vu du succès, France Active Lorraine a décidé de lancer également le projet en 2022. Et si ce projet a pu voir le jour, c'est grâce au soutien du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Donc bien évidemment, le premier critère, c'est que les porteurs de projets sélectionnés ont un projet qui se trouve en Meurthe-et-Moselle. Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n'a pas été le seul soutien pour permettre de lancer Ocoté. Nous pouvons aussi remercier AG2R La Mondiale, la DETS 54, qui ont soutenu financièrement le lancement d'Ocoté avec France Active Lorraine. Le second critère, c'est le projet en lui-même. On va rechercher des structures de l'économie sociale et solidaire qui ont un impact positif sur les citoyens, sur le territoire ou sur l'environnement. On va rechercher des structures qui vont porter un projet sur la transition écologique, sur l'économie circulaire, sur l'insertion par l'emploi, sur la défense des personnes précaires. Voilà. On va rechercher vraiment des projets qui ont une utilité sur le territoire. Et enfin, troisième critère, on va rechercher une équipe qui va être à la fois compétente et solide, parce que le financement participatif, c'est un exercice qui est quand même très difficile. Il y a une chance non négligeable d'obtenir rien du tout à la fin. Donc on va vraiment avoir une attention particulière sur la qualité des porteurs de projets. D'accord, alors justement, en parlant des projets qui peuvent prétendre à une campagne de financement participatif avec Ocoté, on a avec nous Mehdi. Donc comme je l'ai dit en début d'émission, Mehdi, vous êtes le président de l'association des coursiers nancéens et vous lancez la semaine prochaine votre campagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le projet ? Oui, bien sûr. Alors les coursiers nancéens, c'est une association de livreurs indépendants qui a été créée début 2021. Donc avec pour but de devenir une coopérative d'activité à terme. On est 5 livreurs indépendants, on a un double objectif, on a un objectif qui est plus social, donc de permettre des indépendants de se salarier, donc c'est vraiment important pour nous. Et on a un autre enjeu qui est plus environnemental, donc qui est de permettre la décarbonation des livraisons du dernier kilomètre en fait. C'est un service de livraison qui est pour tous les Nancéens, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient professionnels ou les collectivités, et c'est sur le Grand Nancy, même si on se concentre actuellement sur les livraisons du dernier kilomètre, qui est la plus polluante pour le centre-ville nancéen. Donc c'est un très beau projet qui répond vraiment à un besoin sur la métropole du Grand Nancy. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi va servir les dons collectés via la campagne ? Oui, bien entendu. Alors les dons, ils vont servir à acheter du matériel, donc exclusivement des remorques avec assistance électrique, donc pour nos vélos cargo. Et ça va nous permettre ainsi de passer notre capacité de transport qui est actuellement de 100 kg par vélo à 300 kg. Donc de remplacer presque un petit véhicule utilitaire léger sur le centre-ville. Donc pour augmenter, développer en tout cas l'activité ? Exactement. Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi de participer à ce programme ? Pourquoi tu as choisi Ocoté et pas une autre plateforme de financement participatif ? Ou un autre moyen de récolter des fonds comme la subvention ou le mécénat ? Il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'on voulait faire ça avec un acteur avec qui on partage des valeurs. C'était très important pour nous. Donc c'est vrai que France Active Lorraine ont des valeurs très engagées dans l'économie sociale et solidaire. Et pour nous, c'était vraiment très important. Et il y a l'autre raison qui est pour nous aussi vitale, c'est le fait de pouvoir mettre en avant des partenaires. Parce qu'en fait, c'est vrai que les coursiers nancéens s'intéressent énormément à la livraison du dernier kilomètre. Mais il y a des acteurs derrière nous qui nous soutiennent. Et ça nous permet de les mettre sur le devant de la scène en quelque sorte. Tu peux nous les citer ? Bah là, il y a le département, il peut y avoir la mairie, la métropole. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est le groupe Valo. D'accord. Qui sera notre partenaire principal. Ok, super. Bah, merci beaucoup Mehdi. En tout cas, on souhaite vraiment beaucoup de succès et j'invite les auditeurs à se rendre sur ocoté.fr pour découvrir la campagne dès la semaine prochaine. Alors Nicolas, on comprend bien l'intérêt de cette plateforme pour les porteurs de projets, mais ce ne sont pas les seuls gagnants. Peux-tu me dire pourquoi les entreprises et les collectivités ont aussi tout intérêt à soutenir le programme ? Il faut se mettre à la place d'une collectivité ou d'une entreprise privée. Ce sont des structures qui ont déjà des processus comme des subventions ou du mécénat. L'objectif de côté n'est pas d'être un processus supplémentaire, mais d'être une alternative. Par exemple, un mécénat, une entreprise qui fait du mécénat, ça va globalement être un don financier en échange de visibilité, d'un logo ou d'autre chose. Avec Ocoté, on a quand même une innovation sociale qui est de mettre le citoyen comme activateur du financement. Parce que quand vous êtes une entreprise privée, vous allez avoir votre propre regard, votre propre expertise sur l'association. Mais quand vous avez une association qui est face à vous, qui est en train de faire une campagne, qui est en train de rassembler 100, 200, 300 personnes pour son propre financement, vous avez une véritable validation de la communauté, une véritable validation du territoire et de la société. Et c'est quelque chose qui rajoute encore plus en crédibilité et qui permet vraiment, on va dire, de donner un nouveau modèle, de donner une nouvelle alternative au financement classique. Et puis, au-delà du financement, quand vous regardez aujourd'hui, on va dire, les financements actuels, si vous proposez une subvention, vous avez juste le porteur de projet et la collectivité publique. Si vous regardez ce que c'est qu'une campagne de financement aujourd'hui, vous avez juste les citoyens et le porteur de projet. Alors qu'avec Cocoté, vous avez dans un seul et même dispositif toutes les parties prenantes. Vous avez à la fois l'entreprise, la collectivité, le porteur de projet et les citoyens. Donc, grâce à Cocoté, on va essayer de faire un maximum de mise en réseau, on va essayer de déclencher des rencontres, on va rassembler dans un seul et même dispositif toutes les parties prenantes et l'idée, c'est vraiment d'aider derrière la structure à s'insérer dans le tissu économique en maximisant les rencontres et en créant des liens de plus en plus solides. D'accord, merci pour toutes ces infos, Nicolas. J'espère vraiment que ça va donner envie aux entreprises du territoire de soutenir le projet de Mehdi ou l'un des trois autres du programme. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu peux nous en parler des autres projets ? Donc, les quatre projets au total qui ont été sélectionnés par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et par le comité de sélection vont lancer leur campagne en avril et en mai. Le premier, donc, ce sera effectivement les Coursiers Nancéens la semaine prochaine. Mais il y a également deux autres associations et une coopérative qui vont se lancer. Donc, la première association, il s'agit de l'association Au Pas des Chevaux, qui souhaite lancer une activité d'accompagnement des publics en situation d'handicap ou de fragilité à l'aide d'actions dans le champ de la médiation équine. Donc, pour cela, ils vont proposer des séances de rééducation dans un cadre nouveau, en dehors des murs des établissements de soins, avec le cheval comme facilitateur. Cette activité-là s'adresse vraiment à des personnes en situation d'handicap physique, sensoriel, social ou mental, et de tout âge, de l'enfant, l'adulte, personnes âgées. Ils vont aller proposer leur projet sur aucoté.fr pour financer à la fois des chevaux et leur formation. Le second projet, c'est une coopérative, donc il s'agit de la Batelière, coopérative funéraire, qui souhaite lancer une activité de pompe funèbre citoyenne pour offrir des obsèques dignes à chacun dans le respect de l'environnement. Donc c'est une coopérative qui va se distinguer des autres pompes funèbres, notamment par sa gouvernance, puisque des citoyens non salariés de la coopérative vont être impliqués dans la gouvernance de la coopérative. Nous allons également avoir des temps de sensibilisation et d'information sur le droit funéraire pour permettre à tous de savoir qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est autorisé, dans le but, on va dire, de revenir vraiment à cette mission de service public, à cette délégation de service public pour les citoyens. On va également avoir la création d'un fonds de solidarité qui devrait permettre à des personnes qui ont des difficultés d'accéder à des obsèques dignes. Et enfin, nous allons voir une dernière association qui s'appelle Remise. Remise travaille dans le réemploi dans le secteur du BTP. Et c'est une association qui travaille dans le réemploi de matériaux parce qu'aujourd'hui, dans les chantiers de démolition, mais aussi dans les chantiers de construction, on va avoir des reliquats, on va avoir des matériaux qui sont encore tout à fait neufs, légalement utilisables, avec toutes les normes correspondantes, mais qui, pour des raisons économiques, organisationnelles, ne seront pas utilisés, seront rejetés, seront considérés comme déchets. Et donc aujourd'hui, Remise participe à la création d'une filière du réemploi des matériaux du BTP. Donc c'est vraiment un acteur très important de l'économie circulaire dans la métropole du Grand Nancy. Et sur Cocoté, ils souhaitent financer l'achat d'un véhicule qui devrait les permettre de les aider dans leur partie logistique. Merci à tous. Ben merci Nicolas, c'est vraiment de très beaux projets pour la Meurthe-et-Moselle. C'est tout pour aujourd'hui, merci encore à notre invité Mehdi et à mon collègue Nicolas d'être venu avec nous. Si vous avez envie de soutenir le projet des coursiers de Mehdi, rendez-vous sur aucoté.fr dès la semaine prochaine. Merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau thème des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. En attendant, vous pouvez retrouver toutes nos actus sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Et si vous avez loupé une partie de l'émission ou vous souhaitez la réécouter en podcast, rendez-vous sur fadjet.net. Bonne semaine à tous.